Du poids mental de fer, quand tu viens à vivre cet enfer. Je chante pour mes frères au contraire de Clodo et qui finissait là souvent derrière des barreaux. Sac à dos sur le dos, un chien comme Paco devenu alcoolo ou fan de Roro. Même si leur vie leur marque la peau, je sais que dans leur cœur il fait toujours chaud. Je chante pour mes frères dans la rue, ceux qui font du tapu, ceux qui vivent d'un vendu, ceux qu'on a vu et qu'on ne voit plus, les rois tapassant dans la rue et ceux qu'on dit qui plus. Je chante pour mes frères dans la rue, ceux qui font du tapu, ceux qui vivent d'un vendu, ceux qu'on a vu et qu'on ne voit plus, les rois tapassant dans la rue et ceux qu'on dit qui plus. Tu cherchais la liberté, tu ne voulais pas rester enfermé. Alors, man, tu t'es mis à t'envoler. Parti à voyager, tu vivais le monde ici, t'es qu'un boy, toi, tu fallais bien manger. La rue était ton foyer, tes enfants t'ont appris à te débrouiller, mais alors tu ne pouvais que l'aimer. La rue était ton foyer, tes enfants t'ont appris à te débrouiller, tu ne pouvais alors que l'aimer. Je chante pour mes frères dans la rue, ceux qui font du tapu, ceux qui vivent vendu, ceux qu'on a vu et qu'on ne voit plus, les rois de la passant dans la rue et ceux qu'on dit qui fut. Je chante pour mes frères dans la rue, ceux qui font du tapu, ceux qui vivent vendu, ceux qu'on a vu et qu'on ne voit plus, les rois de la passant dans la rue et ceux qu'on dit qui fut. Qui à bras ouverts, elle t'a offert des sœurs et frères. Tu n'avais plus de repères, elle t'a relevé avant ta chute à terre. Tu devenais ta nouvelle mère, ton sang coulait déjà dans tes artères. Accueillie à bras ouverts, elle t'a offert des sœurs et frères. Tu n'avais plus de repères, elle t'a relevé avant ta chute à terre. Et elle devenait ta nouvelle mère, elle devenait ta nouvelle mère. Je chante pour mes frères dans la rue, ceux qui font du tapu, ceux qui vivent d'inventer, ceux qu'on a vu et qu'on voit plus, les rois d'un passant dans la rue, ceux qu'on...